8h, il est 8h, vous écoutez France Culture. Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Le Christ est ressuscité. Chers amis, notre émission est bien sûr aujourd'hui consacrée à la fête de Pâques, dont nous venons d'entendre le Tropaire interprété par la chorale Saint-Jean d'Amasène dirigée par Serge Sauret. En première partie de cette émission, je vous propose une homélie sur la fête de Pâques, donc par le Père Placide. Il y a un certain nombre d'années, le prince Constantin Andronikov, qui est maintenant retourné à Dieu, mais qui à l'époque était doyen de l'Institut de théologie orthodoxe de Saint-Serge, avait été interviewé par un journaliste au début d'une année nouvelle. Ce journaliste lui avait dit « À vos yeux, quel a été l'événement le plus marquant, l'événement principal de l'année qui vient de s'écouler ?» Et, à la grande stupeur du journaliste, le prince Constantin lui a répondu « Pour moi, l'événement le plus marquant, le plus important de l'année qui vient de s'achever, ça a été la célébration de la fête de Pâques. » Propos évidemment assez déconcertant, assez inattendu pour beaucoup de nos contemporains, et qui pourtant contient une profonde vérité. Car qu'est-ce que la fête de Pâques? C'est justement le mystère de la résurrection, ou si vous voulez, de la mort et de la résurrection du Christ, rendu présent aujourd'hui, pour nous, dans la célébration liturgique. Chaque célébration liturgique, à la fois, tourne notre regard vers le passé. Le passé, ici, c'est justement la mort et la résurrection du Christ, avec sa passion qui a précédé. Mais en même temps, elle n'en est pas une simple commémoration, elle n'en est pas une simple célébration comme nous commémorons l'armistice ou je ne sais quel autre anniversaire. C'est une célébration, on peut dire, mystérique, sacramentelle, qui rend présent pour nous, aujourd'hui, ce mystère, pour que nous puissions y participer. Pour que la résurrection du Christ, cet événement central de l'histoire humaine, redevienne pour nous quelque chose d'actuel, nous atteigne dans notre vie d'aujourd'hui, que nous la revisions véritablement, nous-mêmes, n'est-ce pas, à la fois ensemble, dans la célébration liturgique et en même temps dans le secret de nos cœurs à chacun. Et vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ressusciter avec le Christ? Qu'est-ce que c'est que mourir et ressusciter avec le Christ? Ce à quoi nous devons mourir, tous les saints pères, tous les pères de l'Église nous le disent, c'est à ce que saint Paul appelait le vieil homme, c'est-à-dire en nous tout un monde de passion, tout un monde d'égoïsme finalement. Tout ce qui en nous exprime une recherche de notre satisfaction personnelle au mépris à la fois de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Notre vie, malheureusement, est souvent profondément marquée par cela. Il y a en nous, même si nous sommes baptisés, même si nous avons mené une vie chrétienne, il y a en nous beaucoup de ces rémanences du vieil homme, de ces restes de cet homme de péché. Mais, quand nous participons à la résurrection du Christ, eh bien, à ce moment-là, d'autres instincts, une autre lumière, d'autres désirs, d'autres tendances se manifestent dans notre cœur si nous savons y être attentifs. Bien sûr, il ne faut pas être trop extériorisé, il ne faut pas se laisser emporter par toutes les distractions. Mais si nous sommes attentifs à ce qui se passe dans notre cœur, eh bien nous pouvons percevoir que non seulement nous participons extérieurement à de belles cérémonies, à de beaux offices, mais que si cette participation est vraie, authentique, elle éveille dans notre cœur tout un monde d'aspiration vers tout autre chose que cet égoïsme. Il y a en nous, et c'est en réalité, dit Saint-Père, le fond de notre nature, mais ce fond de notre nature qui malheureusement est recouvert comme par une rouille, par tous ces restes du vieil homme dont je vous parlais. Mais il y a en nous, déjà inscrit au baptême, mais que cette grâce de Dieu que nous recevons dans la célébration liturgique, dans la célébration pascale, va réveiller, développer en nous. Nous allons retrouver comme une lumière intérieure qui nous fait percevoir que le vrai bonheur de l'homme, ce n'est pas de se faire centre, ce n'est pas de se mettre à la place de Dieu, c'est au contraire de se donner pour les autres, de faire régner dans son cœur l'amour des autres, d'une certaine manière de préférer les autres à soi-même, et en même temps de reconnaître en Dieu notre Père, de savoir l'aimer, l'adorer. Tout cela est inscrit dans notre cœur, c'est déjà comme, je dirais, en creux dans notre nature humaine telle que Dieu l'a créée, telle qu'il l'a créée à son image. Mais justement, la grâce de Dieu, la grâce reçue au baptême, et cette grâce qui est réactivée et qui est revivifiée par ces célébrations liturgiques, tout cela est, je dirais, comme en partie oblitéré par cette lumière qui, à ce moment, apparaît en nous, n'est-ce pas, qui se révèle au fond de notre cœur, et tous ces bons désirs, et cet enthousiasme spirituel qui, à un certain moment, va se développer, se manifester, et qui toujours va nous orienter dans ce sens, n'est-ce pas, reconnaître en Dieu notre Père, et d'autre part, dans tous les hommes, nos frères, nous donner un esprit d'amour, de charité, de miséricorde universelle. C'est cela qui est le fruit de la grâce de Dieu, et c'est cela qui est la vraie participation à la résurrection du Christ. Nous ressuscitons spirituellement dans la mesure où nous percevons en nous cet élan nouveau, cette lumière nouvelle, et nous y consentons, car il faut que notre liberté y consente. Il faut que nous acceptions les sacrifices qu'elle nous impose, bien sûr. Mais c'est véritablement une entrée dans une vie nouvelle. Et c'est cela que la célébration pascale doit produire en nous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un enthousiasme superficiel, ce n'est pas un enthousiasme, je dirais, d'ordre esthétique, devant la beauté des cérémonies, la beauté des chants, des mélodies. Non. Ce qui est au cœur de la célébration pascale, c'est cet éveil de notre conscience. C'est ce réveil de la grâce du baptême en nous. C'est cette entrée dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est en nous, disait le Christ. Et c'est cela que veut dire cette parole. Le royaume de Dieu est en nous, parce que justement, le Saint-Esprit est inscrit sur cette table de chair qui est notre cœur, et non plus sur des tables de pierre comme du temps de Moïse, n'est-ce pas ? Il y inscrit la loi nouvelle qui est une loi de charité, une loi d'amour. Tout homme, tout chrétien particulièrement, est évidemment tiraillé entre ces deux tendances. Cette tendance égoïste du vieil homme, et puis cette lumière du royaume qui déjà existe en nous, qui se manifeste particulièrement dans des occasions comme cette célébration pascale. Et si nous voulons que notre participation au mystère de Pâques soit vraie, soit authentique, eh bien il faut que nous sachions faire suffisamment silence dans notre cœur pour y percevoir cette grâce de l'Esprit, vous pouvez percevoir cette voix du Saint-Esprit, cette émotion intérieure qui nous éveille à cette vie nouvelle. Oui, c'est cela, ressuscité avec le Christ, et c'est cela que Pâques nous apporte. Et à ce moment-là, la fête de Pâques prend pour nous un sens tout nouveau. Et cela justifie pleinement la parole du prince Andronikov. Oui, Pâques est vraiment l'événement central de l'année, dans la mesure, justement, où il nous apporte une grâce toute particulière pour participer à la résurrection du Christ. Et c'est comme ça que Pâques pourra devenir pour nous la source d'une joie rayonnante. Cette joie rayonnante, n'est-ce pas, qu'on perçoit tellement quand on approche de certains saints, comme Saint-Servan de Sarov. C'est Saint-Servan de Sarov qui saluait chacun de ses visiteurs par ces mots. Le Christ est ressuscité, ma joie, toute l'année, pas seulement pendant le temps pascal. Et pendant tout le temps pascal, dans le monde orthodoxe, nous saluons toujours par cette salutation, le Christ est ressuscité. Mais il ne faut pas que ce soit seulement des mots, n'est-ce pas, que ce soit seulement quelque chose d'un peu folklorique. Non, il faut que cela corresponde vraiment à cette entrée dans une vie nouvelle. Cette illumination de notre cœur, la lumière de Pâques, c'est ça, la lumière incréée, c'est cela. Car cette grâce de Dieu qui se manifeste en nous, mais ce n'est pas quelque chose de créé, ce n'est pas quelque chose de ce monde, c'est véritablement quelque chose de proprement divin. C'est l'action de Dieu lui-même, l'action incréée de Dieu, qui pénètre notre cœur comme le feu pénètre le fer rouge. C'est une image qu'on retrouve souvent chez les pères de l'Église pour exprimer ce qu'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu agit sur nous vraiment. C'est l'action divine, c'est l'opération de Dieu, l'énergie divine, comme dit le théologien, qui pénètre notre être, qui compénètre tout notre être, comme le feu pénètre le fer rouge. Le fer rouge reste du fer, une hache portée au rouge continue à couper comme une hache, mais en même temps, elle éclaire et elle brûle comme le feu. Eh bien, il faut que nos âmes, et non seulement nos âmes, et que cela se reflète sur nos corps, soient ainsi pénétrées par cette vie divine. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que vraiment, oui, nous avons participé à la résurrection du Christ, que nous sommes morts au vieil homme, morts au péché, que nous avons triomphé de la mort, car la mort physique, que représente-t-elle en face de cette vie qui est une vie éternelle, une vie qui continuera pour nous au-delà de la mort? Oui, nous sommes à ce moment-là vraiment ressuscités avec le Christ. Je vous raconterai une autre anecdote qui va un peu en sens inverse et qui montre combien on a pu perdre parfois, dans des milieux pourtant pieux, le sens de la résurrection ainsi comprise. Nous avons eu une personne amie de notre monastère, une personne excellente. C'est une personne d'origine hollandaise qui appartient à l'Église réformée. Et elle nous disait un jour, voyez-vous, moi j'aime beaucoup la fête de Noël. La fête de Noël, c'est vraiment, on voit l'enfant Jésus dans la crèche, avec les bergers, tout ça, c'est émouvant, ça réchauffe notre cœur, et puis c'est la fête de la famille, c'est la fête des enfants. Ah oui, Noël est vraiment pour moi le cœur de l'année. Mais Pâques, ben ça ne me dit pas grand-chose, je vous avoue, parce que au fond, le vendredi saint, le Christ est mort sur la croix, par sa souffrance, il a payé la dette des hommes à l'égard du Père, nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec le Père, sa colère à l'égard des hommes pécheurs est apaisée. Bon, Pâques, le Christ est ressuscité, mais nous, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça change pour nous? Et vous voyez qu'il y a là toute une conception faussée de la résurrection, qui a malheureusement prévalu pendant des siècles en Occident. Depuis un certain nombre d'années, il y a des théologiens, il y a des exégètes, des liturgistes, dans l'Église catholique notamment, qui ont admirablement travaillé pour redonner le sens de la fête de Pâques, le sens de la résurrection. Et beaucoup de gens sont encore quand même marqués un peu par ces vieilles conceptions, cette idée qu'il y avait une dette à payer à l'égard du Père, une dette qui se payait par la souffrance, que le Christ l'a acquittée de cette manière, et puis que nous avons été sauvés comme cela, mais il en résulte une conception doloriste, une conception négative du christianisme, une vue doloriste de la souffrance. Et au contraire, si notre vie est illuminée par cette vision que j'essayais de vous suggérer, n'est-ce pas, de ce qui est réellement notre participation à la résurrection du Christ, bien vous voyez combien le dimanche de Pâques, combien le jour de la résurrection fait partie du mystère de notre salut. Ce n'est pas quelque chose qui s'y ajoute, et ce n'est pas la souffrance comme telle qui nous sauve. L'un des grands auteurs spirituels que nous aimons beaucoup dans l'Église orthodoxe, Saint Isaac le Syrien, qui au 7e siècle disait « Mais Dieu n'a pas voulu la souffrance des hommes, Dieu n'aime pas la souffrance. La souffrance a de sens, a de valeur, comme dans la mesure où, comme le Christ dans sa passion, nous en faisons l'expression de notre obéissance et de notre amour pour le Père, l'expression de notre amour de nos frères. La souffrance n'est bonne que dans la mesure où elle nous aide à mourir à notre égoïsme, à notre attachement à notre moi, et à nous ouvrir aux autres, à nous ouvrir à l'amour de tous nos frères, à répandre dans notre cœur cette miséricorde, cet esprit de compassion envers tous. Mais la souffrance en elle-même, Dieu ne la veut pas. La souffrance n'est pas bonne. La souffrance en elle-même est une conséquence du péché. Et le Christ a vaincu la souffrance comme la mort, justement, en lui donnant ce sens nouveau que nous pouvons lui donner, nous aussi, dans la mesure où nous accueillons dans notre cœur cette grâce de l'Esprit, nous accueillons dans notre cœur cette grâce qui nous fait aimer tous nos frères, qui fait de nous vraiment des frères universels. C'est cela qui nous fait vraiment entrer dans le sens de la résurrection. Oui, et à ce moment-là, eh bien oui, Pâques deviendra pour nous vraiment le jour de notre résurrection avec le Christ. Et ce sera pour nous la source d'une joie, d'une lumière qui pourra éclairer ensuite toute notre année, justifiant encore une fois pleinement cette parole du prince Andronikos sur laquelle je m'arrêterai pour terminer. Maintenant, le message de Pâques du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Frères, fils et filles bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse le message de joie à l'occasion du grand événement de la résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, fête de fête. Le prologue des Actes des Apôtres nous rappelle que le Christ, après sa résurrection, s'est manifesté pendant 40 jours à ses disciples et au monde, attestant ainsi, par de nombreuses preuves, sa résurrection. En même temps, il les entretenait du royaume de Dieu. Il est par conséquent important d'approfondir cette réalité. Le Seigneur s'est manifesté à ses disciples, à Marie-Madeleine, à sa très sainte mère, aux saintes femmes Mirophore porteuses de parfums, ainsi qu'à Thomas et à plus de 150 disciples. Il s'est manifesté et disparaissait. Pour quelle raison, si ce n'est afin d'élever spirituellement leur esprit et afin de ne pas leur laisser la possibilité de penser à lui comme il le faisait auparavant, comme le dit Saint Jean Chrysostome. Un autre exégète écumène écrivait qu'il s'est manifesté et disparaissait afin de rendre plus désirable sa présence et révéler ainsi sa majesté divine. De plus, il a mangé avec d'autres, non plus par soumission aux lois de la nature, puisqu'il ne ressentait plus la faim, mais pour affirmer par là même qu'à travers sa résurrection, c'est la même chair qui a souffert la passion et qui est ressuscitée. Les pères de l'Église affirment qu'un enseignement devient digne de foi pour autant qu'il est précédé d'un vécu. Le Seigneur ressuscité a ainsi enseigné sa résurrection avec certitude en montrant ses plaies corporelles. Saint-Nil, l'ascète, le souligne bien. Ce n'est pas par une parole, mais par un acte qu'il incite ceux qui s'efforcent de l'imiter. Le livre des Actes est un livre qui illustre et manifeste cette vérité. La résurrection du Seigneur est un fait et une réalité historique, mais n'en demeure pas moins un mystère, et si elle transcende le temps, elle est toujours vécue au cœur même du temps. Toute divine liturgie est une réappropriation mystérieuse de cet événement. Avec la Sainte Liturgie, le Christ, notre Pâque, vient vers nous. Voilà pourquoi, à la fin de la liturgie de Saint Basile, le prêtre, après la Sainte Communion, rend grâce à Dieu en disant « Nous avons fait mémoire de ta mort, nous avons vu le signe de ta résurrection, nous avons été remplis de ta vie éternelle. » En sage clair écrivait, il y a quelque temps, Jésus, l'homme-Dieu, ne s'est pas présenté vivant seulement pendant 40 jours avec de nombreuses preuves, mais il se présente vivant dans l'histoire depuis 2000 ans, pour qu'il n'y ait aucun doute que sa résurrection est un événement qui a eu lieu et continue d'avoir eu lieu aux yeux de tous. En effet, la résurrection, ainsi que tous les actes de l'économie divine, n'étant pas des faits provenant de la nature, mais découlant des énergies incréées de Dieu, sont réactualisés au cœur de l'histoire du monde, dans le sein de l'Église. Pour mieux dire, l'Église elle-même ne perpétue pas simplement la mémoire de ces faits. Elle est elle-même l'événement de la nativité, de la croix, de la résurrection du Christ et de la Pentecôte. À notre époque, il y a de nombreuses idoles. La divinisation de la science, le morcellement du corps social, l'adoration des biens matériels. Nous avons besoin d'hommes qui vivent de la résurrection pour abattre ces idoles. Le Seigneur Jésus est ressuscité pour nous délivrer de l'esclavage que nous vivons aujourd'hui et de tout esclavage et pour nous rendre la liberté d'œuvrer à notre salut. La résurrection de notre Seigneur est ce qui caractérise principalement notre foi de chrétien. Sans la résurrection vivifiante du Christ, tout est vain. Notre foi est puissante. Notre combat insensé. Toutes nos assaises et nos œuvres philanthropiques sont inefficaces. Nous vivons dans l'attente que chacun de nous fasse personnellement l'expérience de la résurrection. En tant qu'évêque, je vous souhaite à tous que la joie de la résurrection soit durable en vos cœurs, que vous jouissiez de la santé de l'âme et du corps, et avec vous tous, je proclame à haute voix, frères, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christos vos cresce, al messicam, Christos anviat, Christos anest. C'était Pâques avec le métropolite Emmanuel et le père Placide. Notre prochaine émission, dimanche 29 avril. Nous recevrons Bertrand Vergely qui nous parlera du sens de la résurrection. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Marie-Dominique Bougaud. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEC 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com. Bienvenue à l'écoute du service protestant sur France Culture, une émission de la Fédération protestante de France présentée par Daniel Jeanne. Le culte que vous allez entendre est célébré par le pasteur Élian Cuvillier, professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier. L'accompagnement musical est assuré par l'ensemble vocal de Montpellier et l'orchestre des Cévennes, sous la direction de Jean Gouze. Ils interprètent des extraits de la Passion selon Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Cherchez dans les méandres de votre vie et de votre histoire, alors écoutez. C'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver, peut-être à l'heure où vous pensiez que plus rien ne surviendrait pour vous. Si vous l'appelez de tout votre cœur et de toute votre force, alors écoutez. C'est lui qui le premier vous a appelé par votre nom. D'un nom que nul ne peut vous ravir, parce qu'il est le nom que quelqu'un donne à celui qui l'aime d'un amour inconditionnel. Et si vous désirez déposer devant lui un peu de ce que vous possédez et de ce que vous pensez être, alors écoutez bien ceci. C'est lui qui, le premier, sans rien exiger en échange, vous donne la paix et la confiance qui sont nécessaires à votre vie. C'est pourquoi, si l'on vous demande de justifier votre existence, désignez simplement au cœur de vous-même ce qui vous a été donné, la parole qui vous a aimé, le geste qui vous a guéri, la présence qui vous a relevé. C'est cela qui justifiera votre vie, ce qu'un autre a fait pour vous, ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Sommes trop souvent tentés de baisser les bras devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec. À nous qui sommes là de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra. Je suis le Dieu des vivants.